Déchirer mes lettres et jeter tous mes poèmes, brûler les photos où elle est avec moi, brûler le crâne et soyez sans état d'âme. Vous êtes diabolique, vous n'irez pas plus bas, ça non. Mais vous oubliez peut-être nos souvenirs et nos promesses, tout ce qu'on s'est dit quand vous n'étiez pas là. Sacrifiez ces chances, réduisez la au silence. Lorsqu'elle vous dit qu'elle m'aime, vous ne supportez pas. Donnez-lui la vie dure et bloquez toutes les serrures. Et soyez sûr qu'un jour elle vous remerciera. Je ne vous laisserai pas me vider de ce qui me reste de ses yeux. Que tout ce qu'elle espère, c'est revenir en France pour y vivre avec moi. Mais vous êtes trop débile pour comprendre que votre fille, bien que tétanisée, un jour se réveillera. Et je reverrai son sourire. Elle n'aura plus besoin de fuir, non, puisque ses deux mains seront autour de moi. Autour de moi.